Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. Je vais parler à un monsieur, tu travailles, Dieu t'a béni, mais sache que tu as une maison, tu as une femme, tu as des enfants, ne sois pas toujours absent de la maison. Il faut que tu saches entretenir ta maison par une vie de prière, par une vie d'éducation des enfants, sinon tu donnes accès à l'ennemi. Réveille-toi, réveille ta femme, réveille ton mari, nous allons prier, nous sommes à OSB, opération sur la brèche. Notre psaume du jour, c'est le psaume 17. Chaque matin, je me lève. Je prie avec OSB. Chaque matin, moi, je prie. Je prie avec OSB. Nous allons lire le psaume 17, prière de David. Éternel, écoute la droiture, sois attentif à mes cris. Prête l'oreille à ma prière faite avec des lèvres sans tromperie. Que ma justice paraisse devant ta face. Que tes yeux contemplent mon intégrité. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. À la vue des actions des hommes, fidèle à la parole de tes lèvres, je me tiens en garde contre la voix des violents. Mes pas sont fermes dans tes sentiers. Mes pieds ne chancellent point. Je t'invoque car tu m'exauces, ô Dieu. Incline vers moi ton oreille, écoute ma parole. Signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge et qui par ta droite les délivre de leurs adversaires. Garde-moi comme la prunelle de ton œil. Protège-moi à l'ombre de tes ailes, contre les méchants qui me persécutent, contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent. Ils ferment leurs entrailles, ils ont à la bouche des paroles hautaines. Ils sont sur nos pas, déjà, ils nous entourent, ils nous épient pour nous terrasser. On dirait un lion avide de déchirer, un lionceau aux aguets dans son repaire. Lève-toi, Éternel, marche à sa rencontre, renverse-les, délivre-moi du méchant par ton glaive, délivre-moi des hommes par ta main. Éternel, des hommes de ce monde, leur part est dans la vie. Et tu remplis leur ventre de tes biens. Leurs enfants sont rassasiés et ils laissent leur superflu à leurs petits-enfants. Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Amen. Quel psaume merveilleux. Nous allons partager trois vérités principales tirées de ce psaume. Première vérité, prions Dieu dans la droiture et la sincérité de cœur. Ce psaume nous révèle l'état d'esprit dans lequel David se trouvait lorsqu'il adressait sa prière à Dieu. Il était droit et sincère devant Dieu. Il était exempt de tout reproche. Lorsque tu pries, ma sœur, tu dois être sincère. Comment peux-tu dire que tu pries pendant que tu vis dans la colère, dans la haine? Comment peux-tu dire que tu pries? Tu vas à des veillées de prière. On te voit très engagé. Tu pries en langue, tu parles en langue. Mais tu vis dans la débauche. Tu n'es pas sincère avec Dieu. Voici quelques expressions qui démontrent l'état d'esprit dans lequel David adressait sa prière à Dieu. Il dit au verset 1, « Écoute la droiture. » D'autres versions disent, « Écoute ma prière car elle est juste. » Il dit encore, « Prête l'oreille à ma prière, faite avec des lèvres sans tromperie. » Il voulait parler de la sincérité de son cœur. Plusieurs personnes adressent des prières à Dieu tout en cachant les péchés dans leur vie. Ils vivent dans le mensonge, ils conçoivent la haine, la rancœur contre les autres, méditent le mal contre leurs prochains. De telles prières ne peuvent être exaucées. Il dit encore, « Que tes yeux contemplent mon intégrité. » Ceci confirme ce qui vient d'être dit au verset 1. C'est pourquoi il dit encore, « Si tu sondes mon cœur et que tu les visites la nuit, tu ne trouveras rien. » Ceci voudrait dire, « Tu ne trouveras rien de caché en moi. » La Bible dit, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les délaisse, qui les avoue et les délaisse, obtient miséricorde. » Proverbe 28, verset 13. Il ajoute encore, toujours au verset 3, « Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. » C'est-à-dire, ce qui sort de sa bouche-là est conforme à ce qui est dans sa pensée. Ce n'était pas un hypocrite. David n'était pas un hypocrite. Nous vivons dans un monde où les gens développent de plus en plus l'hypocrisie dans plusieurs domaines. Dans les mariages, dans le monde des affaires, dans les milieux politiques, etc. Delila adressait de belles paroles d'amour à Samson. Mais ces paroles cachaient sa méchanceté, car elle avait pour mission de le flatter, afin de découvrir l'origine de sa force pour le livrer enfin aux Philistins. La plupart des politiciens disent de belles paroles la journée, mais la nuit, ils font autre chose. Les chrétiens devraient se démarquer de ce comportement d'hypocrisie. Je vais parler à un monsieur, écoute-moi bien. Tu as une jeune fille qui tourne à tes côtés. Cette jeune fille, elle te suit seulement à cause de l'argent. Son amour n'est pas sincère. Elle ressemble à une Delila. Fais attention. Deuxième vérité. Nous avons des ennemis qui nous combattent. Quand tu es chrétien, tu es croyant, tu dois être conscient qu'il y a des ennemis. Il y a des ennemis sur le plan spirituel. Il y a aussi des ennemis physiques. C'est ce que David exprime dans ce psaume. Il était constamment poursuivi par ses ennemis. Voici les noms et les caractéristiques de ses ennemis. Il dit au verset 7, « Ils sont des adversaires. » Ceci nous fait penser à Satan, au diable, qui est notre adversaire, qui rôde comme un lion rugissant, selon 1 Pierre 5, 8. Il dit aussi au verset 8, « Ils sont des méchants qui persécutent. » Aujourd'hui encore, plusieurs chrétiens sont victimes de persécutions morales, voire physiques, de la part des ennemis de l'évangile, et même de la part des faux chrétiens et des faux serviteurs de Dieu. La Bible dit ceci, « Tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. » 2 Timothée 3, verset 12. Si tu veux vivre pieusement, c'est-à-dire tu veux marcher dans la crainte de Dieu, là où tu travailles, ton patron peut te persécuter. Si tu veux vivre pieusement aujourd'hui, même dans l'église, ceux qui prêchent la vérité, qui prêchent la repentance, ils ne sont pas aimés. Ceux qu'on aime là sont des gens qui parlent toujours d'élévation, de bénédiction. L'apôtre Paul cite des faux apôtres et des faux frères au nombre de ceux qui les persécutaient. Toujours dans ce psaume, en parlant de ses ennemis, David dit, ils sont des ennemis acharnés qui l'enveloppent. C'est-à-dire, ils s'acharnaient contre sa vie, pour lui faire du mal. Il dit encore, au verset 10, ils ont des paroles hautaines. Ceci nous rappelle un certain Sanchérib, le roi d'Assyrie, qui avait prononcé des paroles hautaines contre le roi Sédécias et contre Dieu d'Israël. Vous trouvez ça dans 2 Chroniques 32, 10 à 17. Nous pouvons aussi citer l'exemple de Goliath. Ce Goliath était arrogant lorsqu'il combattait contre les jeunes David. Il prononça également des paroles hautaines. Mais heureusement que David, il combattait au nom de l'Éternel des armées. Et il a terrassé Goliath. N'aie pas peur de ton ennemi. Il est arrogant. Ils disent que tu n'as rien. Tu ne peux rien lui faire. Mais il ignore que celui qui est en toi, Jésus de Nazareth, est plus grand et plus puissant que lui. Troisième vérité. Invoquons les dieux qui protègent et qui nous délivrent de nos ennemis. David formule 4 prières importantes que nous devrions imiter aussi. Il dit d'abord, garde-moi comme la prunelle de mon œil. Verset 8. La Bible dit que celui qui vous touche, touche la prunelle de l'œil de l'Éternel. Zacharie 2, verset 8. Donc c'est une prière que tu dois faire pour que Dieu te garde comme il garde la prunelle de son œil. Deuxième prière que David fait ici pour réclamer la protection, il dit, protège-moi à l'ombre de tes ailes. C'est le verset 8 toujours. La vraie protection se trouve auprès de Dieu, auprès de Jésus-Christ. Il ressemble ici à une poule qui protège ses enfants à l'ombre de ses ailes. Troisième prière de protection, il dit, lève-toi Éternel, marche à sa rencontre et renverse-les. Au verset 13, lève-toi, il faut demander à Dieu de te lever, d'aller à la rencontre de ton ennemi et de les renverser. Nous devons laisser Dieu combattre à notre place. Il a promis de combattre pour nous. Dans Exode 14, 14, il a dit, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Et quatrième prière de protection, il dit, délivre-moi du méchant, au verset 13. Il est le Dieu de délivrance. Il a délivré Israël de la main des Égyptiens. Il a délivré David de la main de Saül. Il a délivré Pierre de la main d'Hérode. Il continue encore à délivrer. Toi qui vois des songes, tu te retrouves au cimetière. Tu vois des esprits de mort. Tu vois un chien qui veut te mordre. Le Seigneur est capable de te délivrer dans le nom de Jésus. Il faut crier à lui. Il est capable de te délivrer pour que tu puisses passer des nuits calmes et non des nuits agitées. Ce psaume nous révèle plusieurs attributs de Dieu. Il est bon. Il sauve ceux qui cherchent refuge en lui. Il garde, il protège, il délivre. Alléluia. Que son nom soit magnifié, que son nom soit glorifié, que son nom soit exalté. Nous allons chanter pour lui ce cantique. L'Éternel est bâti la maison, celui qui l'a bâti travaille en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Si l'Éternel ne bâtit la maison, Gloire à Dieu. Il mérite l'honneur. Il mérite la louange. Il mérite la puissance, la force. Élève ta voix là où tu es. Commence à les magnifier. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission que nous appelons OSB, ça veut dire Opération sur la brèche. Nous prions en nous inspirant des saintes écritures. C'est votre frère, serviteur, révérend Dieudonné Ngoumbi au microphone. Nous félicitons tous ceux qui suivent OSB et qui partagent cette émission avec d'autres personnes, avec des amis, avec des parents. Oui, afin que eux aussi soient renouvelés, soient restaurés. Cette émission, vous pouvez aussi la réécouter sur notre site web www.radiofréquencevie.com. Je reprends www.radiofréquencevie.com. Nous allons prier le Seigneur pour lui demander pardon pour toutes les formes d'hypocrisie que nous développons en nous. Nous voyons que David n'était pas hypocrite. Il dit, si tu sondes mon cœur, tu ne vas rien trouver de mauvais. Ce qui sort de ma bouche, c'est ce qui est dans mon cœur. Prions pour que Dieu nous pardonne notre hypocrisie, qu'il nous délivre de l'esprit de l'hypocrisie, surtout dans nos familles et dans l'église. Prions le Seigneur. Père éternel, ce matin nous nous tournons vers toi en signe de reconnaissance parce que nous nous sommes couchés hier, nous nous sommes endormis et nous nous sommes réveillés ce matin. Lorsqu'on tourne vers toi, les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Nous prions ce matin, ô Père éternel, et nous venons devant toi en toute humilité et nous te demandons de nous pardonner pour nos attitudes qui ne t'honorent pas. Nous prions contre toute forme d'hypocrisie. Pardonne-nous, ô Père éternel, de notre comportement hypocrite. Délivre-nous des liens de l'hypocrisie. Fais en sorte, ô Père éternel, que notre cœur soit pur et que tu renouvelles en nous un esprit bien disposé. Père éternel, nous voulons serrer ta parole contre notre cœur afin de ne point pécher contre toi. Fais en sorte, Père éternel, que nous restions attachés à ta parole, que nous nous débarrassions des œuvres mortes, que nous ne marchions pas en compagnie des moqueurs, ni avec ceux qui ne t'honorent pas. Merci, parce que ta parole déclare que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Fais en sorte que nous puissions toujours avoir de bonnes compagnies, la compagnie de ceux qui t'adorent, la compagnie de ceux qui ont la crainte de l'Éternel. Merci, Père, parce que toute forme d'hypocrisie est ôtée en nous. Merci, parce que lorsque tu nous sondes, tu vois que notre cœur est pur, que notre pensée soit en harmonie avec ce que nous disons et avec ce que nous faisons. Que ton nom soit béni et glorifié à tous égards. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons prier pour que Dieu nous garde et qui nous protège contre nos ennemis. Demandons-lui de se lever et de nous délivrer de nos ennemis. Nous voyons ici des prières que David a faites. Garde-moi comme la prunelle de ton œil. Protège-moi à l'ombre de tes ailes. Lève-toi, Éternel. Marche à la rencontre de mon ennemi. Renverse-les. Délivre-moi du méchant. Chacun va formuler cette prière au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Alléluia. Nous bénissons ton nom ce matin. Nous t'acclamons ce matin. Alléluia. Nous t'élevons ce matin. Alléluia. Reconnaissons ta seigneurie ce matin. Et nous reconnaissons que tu es le maître, le suprême, le majestueux, le redoutable. Ce qui peut nous arracher de tes mains. Gloire à toi, Seigneur. Nous voulons te prier ce matin parce qu'il y a encore des gens qui nous en veulent, qui en veulent à tes enfants. L'ennemi veut nous nuire, veut nous détruire, veut nous arracher la vie, anéantir notre vie. À qui irons-nous? C'est vers toi ce matin. Nous te demandons ce matin, au nom de Jésus de Nazareth, d'ordonner à tes anges de mettre la confusion dans leur camp, le feu dans leur camp. Oh, notre Dieu qui se lève avec le grand et le petit bouclier, la lance et le javelot, le glaive de Dieu, la lance, notre Dieu, les traits métriers, les flèches brûlantes, toute notre armada, que tes enfants soient en paix, qu'ils aillent au travail en paix, les enfants aillent à l'école en paix, en sécurité. Veille sur tes enfants, notre Dieu, notre Père, que le plan de l'ennemi et ses suppôts soient voués à l'échec, soient anéantis, soient brisés et fondus dans le sang de Jésus-Christ. Que ton sang recouvre tous tes enfants ce matin, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier pour tous ceux qui sont persécutés à cause de l'Évangile et pour la cause de Christ. Que Dieu les soutienne, qu'il les fortifie, qu'il fortifie leur foi, afin qu'ils demeurent toujours fermes au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Encore ce matin, nous voulons te bénir et te remercier parce que quand nous t'invoquons, tu nous écoutes. Seigneur, nous voyons que depuis un certain temps, beaucoup de tes enfants sont persécutés ici et ailleurs. Nous crions à toi parce que tu as dit « Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile ». Ô Dieu, que le fardeau de l'Évangile soit dans notre cœur pour que tous les jours nous puissions l'annoncer. Car beaucoup de personnes meurent autour de nous, dans nos familles. Beaucoup de personnes n'ont pas encore entendu la parole de Dieu, la parole qui transforme, la parole qui guérit, la parole qui délivre, la parole qui affranchit, la parole qui restaure. C'est pour cela, Seigneur, dans les médias, dans les réseaux sociaux, partout, Seigneur, à la radio, à la télévision, par nos voix, en quelques lieux ou canaux que nous pouvons utiliser pour annoncer la parole, Saint-Esprit, inspire-nous à le faire. fortifie ceux qui sont persécutés, aide, sécurise ceux qu'on veut toucher, qu'on veut atteindre leur vie à cause de l'évangile. Éternel notre Dieu, que tous les méchants projets animés par l'ennemi contre tes enfants soient renversés. Détruis toutes les stratégies de l'ennemi pour éteindre, pour s'opposer à l'évangile au nom de Jésus-Christ. Merci, cher Saint-Esprit, parce que le service paye. Donne à tes enfants d'avoir la foi, de croire en toi et d'avancer toujours en annonçant la parole. Merci de bénir quelqu'un. Merci au nom de Jésus. Amen. Amen. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons